729 activation, compréhension auditive. Qu'est-ce que c'est et qui est-ce? Qui est-ce que c'est? Vous allez entendre une série de questions. Choisissez la réponse qui convient le mieux. Indiquez votre choix en entourant A ou B d'un cercle. Qui est-ce que c'est? Deux. Qui est-ce que c'est? Trois. Qu'est-ce que c'est? Quatre. Qu'est-ce que c'est? Cinq. Qu'est-ce que c'est? Six. Qu'est-ce que c'est? Sept. Qui est-ce que c'est? Huit. Qu'est-ce que c'est?